Le mot science est bien réducteur quand on considère l'étendue des disciplines scientifiques. On peut parler par exemple de neurologie, de cancérologie, de dermatologie et toutes les spécialités de la médecine. Et la médecine, c'est de la biologie humaine. Donc à côté, il y a tous les autres domaines de la biologie avec les animaux et les plantes. On peut décortiquer de la sorte la chimie, la physique, la géologie. Et à côté des sciences naturelles, il y a les sciences sociales et les sciences humaines. Alors avec tout ce panorama en tête, imaginez comment raconter l'histoire des sciences. L'historien et sociologue des sciences Yves Gingras, qui est professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, s'est donné le défi de raconter l'histoire des sciences en 128 pages. Pas une de plus, pas une de moins, 128 pages, c'est le format de la collection Que sais-je, dans laquelle il vient de publier son histoire des sciences. Yves Gingras n'est pas le seul à écrire sur l'histoire des sciences. L'astrophysicien Jean-René Roy, que nous accueillons régulièrement à l'émission, qui est professeur associé au département de physique de l'Université Laval, s'est aussi livré à sa manière à l'exercice à travers deux de ses livres. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi. Alors, ces deux livres en question, ce sont Les héritiers de Prométhée, qui est paru aux presses de l'Université Laval, et dont d'ailleurs une deuxième édition est parue l'automne dernier, et Unveiling Galaxy, The Worlds of Image in Astronomical Discovery, qui est paru également récemment, il n'y a pas très longtemps. Oui, il est paru en décembre, en fait, il est 2018, donc aux presses de l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne. Voilà. Donc, dans ces deux livres, vous abordez aussi l'histoire des sciences, mais de façon différente, d'aborder l'histoire des sciences. Mais d'abord, première question, en fait, pourquoi raconter l'histoire des sciences? L'histoire des sciences, en fait, personnellement, j'ai toujours été fasciné par l'histoire des sciences. C'est une manière de comprendre la science et aussi quel outil pour faire l'enseignement des sciences. Mmh. Et mon premier livre, d'ailleurs, était basé sur un cours que je donnais à l'Université Laval d'initiation à l'astronomie. Et le livre qui en est sorti s'appelait « L'astronomie, son histoire ». C'est très bien fait, donc il y avait un volet historique et tout. Je l'avais oublié, celui-ci. Et je me rends compte que toutes les fois que j'ai enseigné, j'ai utilisé indirectement l'enseignement des sciences. Quand je donnais, par exemple, la physique quantique aux physiciens et aux ingénieurs physiciens de l'Université Laval, je faisais souvent appel aux articles originaux, par exemple d'Einstein, pour expliquer son concept de quanta. À des films qui impliquaient à l'époque des découvreurs de phénomènes importants en quantique, comme la nature, la dualité onde corpuscule. Donc, et j'ai maintenu son intérêt, et maintenant que j'ai plus de temps pour faire ces choses, je m'y remets avec beaucoup d'énergie. Donc, Unveiling Galaxies, c'est un peu l'histoire de la découverte des galaxies. Et c'est une façon de faire l'histoire des sciences, et il y en a plusieurs, et je le mettrais un peu en contrepoint avec le très beau livre d'Yves Gingras que vous avez mentionné, où il fait un peu comme toute l'histoire des sciences en 128 pages. Donc c'est un peu comme l'artiste qui fait une grande œuvre picturale, Michel-Ange qui fait le plafond de la chapelle Sixtine. Donc c'est Yves Gingras dans son histoire des sciences, et moi je prends un petit détail, un personnage ou la main, mais on le détaille complètement, et en détail et tout. Il y a toutes sortes de façons de faire l'histoire des sciences. Et on peut en explorer quelques aspects. À quoi ça sert, en fait? Mais en fait, on peut se demander aussi, quand on raconte l'histoire des sciences, est-ce qu'on doit y aller domaine par domaine, donc l'astronomie, la biologie, géologie, ou est-ce qu'il y a moyen de mettre un petit peu tout ça en parallèle et de regarder au fil des siècles? Ce qui est formidable, c'est un peu comme avec la musique, l'histoire des sciences. On peut utiliser toutes sortes d'instruments. On peut en utiliser un seul, on peut en utiliser un ensemble pour un orchestre de chambre ou une grande symphonie avec le grand orchestre. Donc, les différentes façons de faire l'histoire des sciences, c'est un petit peu dépendent un peu de notre objectif. Qu'est-ce qu'on veut comprendre? L'évolution d'un concept. Ou est-ce qu'on veut mettre en valeur un personnage? Donc, les façons de le faire, ça peut être la biographie de scientifique. Ouais. Et ça, c'est un outil extraordinaire et c'est un mode que je trouve extrêmement exigeant et moi, je me sens pas capable de le faire, surtout que souvent il faut connaître la langue du scientifique à l'origine pour aller dans les documents. Il y a des correspondances généralement. Exactement. D'autres façons, c'est de faire l'histoire par des institutions scientifiques, l'Académie des sciences, la Société royale des sciences en Grande-Bretagne. On peut le faire aussi par l'histoire d'instruments, l'histoire du télescope, mm-hmm. l'histoire du microscope. On peut le faire aussi par l'histoire des concepts, l'histoire de l'atome. Et aussi par discipline, comme vous l'avez souligné, l'histoire de l'astronomie, l'histoire de la chimie. Et on peut aussi soit couvrir toutes les époques mm-hmm. ou se restreindre à une seule époque, l'astrophysique mm-hmm. au 20e siècle. Ah oui. Et où on peut, comme l'exemple médical que vous avez mentionné, il y a un très beau livre que j'ai lu il y a des années qui s'appelle The Healing Hand, La main qui guérit. Mm-hmm. C'est l'histoire de la médecine dans l'Antiquité. Ah. Et qui est un livre absolument formidable à lire, que je regardais encore récemment. Et beaucoup des livres d'histoire des sciences sont magnifiquement illustrés. En plus, oui, c'est ça. Donc, ouais. qui revient à mon dada de faire l'histoire et aussi d'utiliser l'image et de voir comment l'image a été utilisée mm-hmm. pour transmettre les concepts. Mais nécessairement aussi, il faut remettre, quand on fait l'histoire des sciences, on ne peut pas la désintégrer de son contexte politique, social, historique du moment. Donc, est-ce que ça veut dire aussi apprendre un petit peu de ce contexte historique pour bien mettre l'avancée scientifique qui a eu lieu à ce moment-là? Elle est fondamentale. Et d'ailleurs, une des choses qu'on apprend à reconnaître quand on fait l'histoire des sciences, surtout si on est capable d'aller lire les originaux qui peuvent être écrits dans une langue différente mm-hmm. ou une langue plus difficile. Même si c'est la nôtre, mais c'est le français du 15e siècle. C'est... Oui, ou avoir une bonne traduction, ce voilà. qui aide beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, on peut avoir on a d'excellentes traductions de l'Almagest de Ptolémée. Ah, oui. Donc, on peut comprendre beaucoup mieux comment il fonctionnait et comment il pensait. Oui, il faut comprendre l'époque, mais en même temps, quand on lit des textes scientifiques, on peut généralement bien reconnaître ce qui est écrit, être familier, mm-hmm. En remontant jusqu'au 17e siècle. On peut lire Galilée. Il y a d'excellentes traductions ouais. de Galilée, qui écrivait surtout en latin, en français. Et on peut reconnaître un langage scientifique qui correspond un peu à notre langage moderne. Mais c'est vrai, il y a eu une évolution dans la façon de s'exprimer scientifiquement. Mais pour comprendre l'importance, ou par exemple, dans le cas de Galilée, de quelle façon est-ce que cette découverte, ces propos étaient acceptés ou pas? Des propos, pour nous, aujourd'hui, c'est évident, mais à l'époque, c'est pas évident. Donc, on le voit avec l'affaire Galilée. Donc, c'est ça, faut comprendre, faut connaître, faut se plonger dans le contexte socio-politique, culturel du moment. Jusqu'à un certain point, ouais. Mais il n'est pas toujours nécessaire. Et souvent, le meilleur outil pour comprendre l'époque, c'est la biographie. Plutôt mm-hmm. que, je dirais, l'histoire, si je fais l'histoire du télescope, et je fais allusion à Galilée, qui n'a pas inventé le télescope, mais qui l'a transformé pour en faire un outil d'observation du ciel comme tel, je porterai moins attention au contexte politico-social, religieux dans lequel il évoluait que si je fais la biographie du personnage Galilée. Mm-hmm. Donc, la biographie, généralement, va traiter à fond du contexte de l'époque. Un bel exemple, j'ai fini récemment une immense biographie du physiologiste russe Ivan Pavlov, mm-hmm. qui a vécu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui a chevauché l'époque des tsars, mm-hmm. du régime bolchevique et Staline, qu'il détestait à mort, mais on voulait garder Pavlov. On lui donnait tout ce qu'il voulait parce qu'au fond, on croyait qu'il, finalement, dans ses résultats scientifiques, il allait dans la direction du marxisme où il était possible mm-hmm. de dresser un humain comme Pavlov dressait ses chiens, entre guillemets. Mm-hmm. Donc, dans un cas d'une biographie, on peut déborder et montrer comment l'individu, ses recherches s'intègrent, connectent, contredisent ce qui est dans le contexte historique de c'est société. Ce que vous écrivez d'ailleurs avec, dans le cadre de, en toujours en Russie, de l'affaire Lysenko également, dans Les héritiers de Prométhée. Oui, exact. Donc ça, c'est la dimension plus subtile qui est finalement comment les scientifiques connectent avec leur société comme telle, comment ils peuvent devenir les outils du mm-hmm. pouvoir et comment aussi ils peuvent essayer d'influencer le pouvoir pour avoir les ressources pour mener leurs recherches, pour avoir les universités et créer un climat beaucoup plus favorable à la recherche, et ça ne marche pas tout le temps. L'exemple de Lysenko est un exemple dramatique, et il y a aussi toute la science en Allemagne entre les deux guerres. Alors, considérant ça, sachant que peut-être il faut avoir une lecture selon un peu l'objectif de l'histoire des sciences qu'on veut faire, donc s'il faut avoir une lecture un petit peu du contexte sociopolitique de l'instant, est-ce que l'histoire, un même événement de l'histoire des sciences va être raconté de la même façon par un physicien ou par un sociologue, par exemple? Oh, le regard, elle va être différente, et c'est bon. Les éclairages vont être différents, et le philosophe aura aussi un regard différent. Mais une chose que c'est intéressant dans la question, d'abord, beaucoup de l'histoire des sciences est, je pense, un peu dominée par l'histoire des sciences exactes. La physique, l'astronomie, les mathématiques, la chimie. Donc, maintenant, on voit beaucoup plus l'histoire de la biologie, surtout avec tout le contexte, la théorie de l'évolution. Et il y a d'autres disciplines qui sont apparues récemment dont on peut faire l'histoire. Donc, il y a un certain nombre d'années qui est nécessaire. Je pense, par exemple, vous vous rappelez le 21e anniversaire de CKRL, on pourrait commencer à penser à faire une histoire de CKRL. Bonne idée. Il y a suffisamment de temps. Donc, et pour le sociologue va avoir un regard différent. Il va beaucoup plus, c'est le comment le scientifique est influencé plus dans son mode d'opérer que dans son mode de penser, quoique certains sociologues vont dire que c'est tout le contexte sociologique qui va déterminer comment le scientifique pense, mais ça, c'est, je crois, c'est une aberration, c'est faux, parce que le scientifique reste proche des problèmes scientifiques, et il y a une certaine continuité dans l'exploration de la nature qui est la force de curiosité qui détermine l'effort du scientifique et des équipes de scientifiques. Ce qui est très intéressant, par exemple, pour un sociologue, c'est d'examiner comment se fait la science au cours des âges. Et d'ailleurs, c'est très beau dans le livre d'Histoire des sciences de Yves Gingras, qui est aussi sociologue des sciences. Ce que j'aime beaucoup dans Le Que sais-je, c'est qu'il y a à peu près 6 cartes géographique qui montre au cours de l'histoire les pôles, les endroits où se faisait la science. Ça se promène, hein? Ça se promène. C'est la Méditerranée, l'Orient au début. Et il calcule à peu près le nombre de chercheurs qu'il y avait à ces époques. Donc, en Antiquité et tout, on peut calculer à quelques dizaines de personnes qu'on caractériserait comme scientifiques. Et on voit l'explosion et le changement de la répartition géographique des pôles au 17e siècle, où c'est l'Europe du Nord qui domine tout. Donc, c'est le regard du sociologue qui montre comment la géographie, la science voyage entre guillemets, et pourquoi ces changements se font. Et ils sont importants, en effet. Oui, c'est vraiment intéressant, effectivement. Et aussi, je reviens sur, vous parliez aussi que c'était intéressant d'écrire l'histoire des sciences à travers les biographies. Donc, effectivement, il y a des grands noms de scientifiques qui sont passés à travers des biographies. On peut penser à Newton, Darwin, Lavoisier, Einstein, il y en a plein. Mais est-ce que cette façon d'aborder l'histoire des sciences, est-ce que c'est pas un petit peu réducteur dans le sens où on va avoir tendance à coller une découverte à cette personne-là en éclipsant un petit peu le travail des précurseurs avant lui? Les manuels scolaires sont terribles à ce niveau-là. Donc, souvent, je dis que l'histoire des sciences, c'est un peu une caricature. Mais au premier abord, c'est une bonne caricature, passe beaucoup d'informations, c'est des bienfaits, parce que la caricature, elle est incomplète. C'est pas le portrait d'une personne, c'est pas le portrait d'une situation. Donc, d'une certaine façon, quand on fait l'histoire des sciences, c'est un peu, on résume les choses d'une façon presque caricature. Mais une caricature peut être aussi signifiée dans un sens péjoratif du mot, quelque chose qui est incomplet, quelque chose qui est faux. Et je dirais que souvent, l'histoire des sciences, telle que rapportée dans nos manuels scolaires, tellement résumée, qu'on résume une contribution à un seul individu, alors, comme vous le soulignez, qu'elle est dépendante de beaucoup d'individus autour. Oui, c'est ça. Einstein n'a pas inventé à lui tout seul la relativité. Non, et là, d'ailleurs, pour les mathématiques, il savait, il était mauvais en mathématiques. Et il avait besoin d'autres choses. Et c'est un bel exemple, Einstein, parce qu'il n'aurait pas pu construire la relativité générale, sa grande théorie de 1915-1916, où il montre que la gravitation peut être décrite géométriquement comme une courbure de l'espace. Et aussi, cette courbure de l'espace va résulter en changement du tic des horloges qu'on observe dépendant où on est et quel degré de courbure on subit. Donc, il n'aurait pas pu créer la relativité générale sans avoir l'outil de la géométrie riemannienne, qui est une géométrie d'espace courbe. On est habitué, nous, d'une géométrie cartésienne. On prend des références, X, Y, Z, ce sont des plans bien droits. Alors qu'en courbure d'espace et tout, ça n'existe pas, une géométrie plane. Donc, Einstein avait besoin de ça. La même chose pour Newton, qui a dû inventer, avec l'influence de d'autres, un nouveau type de calcul, qu'on appelle le calcul différentiel et intégral maintenant, pour construire sa relativité. Donc, tout le monde est dépendant des autres. Et même Darwin, qui dépendait des autres dans un sens... La marque est passée avant lui. Et même, par exemple, Alfred Wallace, qui a eu en même temps l'idée du concept quasiment. Mais on sait maintenant que c'est Wallace qui a été influencé par Darwin. Mais les deux correspondaient depuis plusieurs années. Notre ami Wallace était en Indonésie. Il lui envoyait des spécimens d'oiseaux domestiques locaux. Parce que Darwin, on le sait, était fasciné par les pigeons et tout. Comment ça changer et tout. Donc, tous les scientifiques sont influencés par d'autres. Et l'autre dimension, pour revenir à la sociologie, qui apparaît quand on fait l'histoire des sciences, surtout au 20e siècle, c'est l'apparition et la progression de la science maintenant qui se fait en équipe, en équipe de plusieurs personnes et même en équipe gigantesque de centaines et de milliers de personnes quand on regarde des grands projets comme le grand collisionneur de Hadron ou l'observatoire d'ondes gravitationnelles. Ou le séquençage du génome humain. Absolument, quel bel autre exemple. Ouais. Oui. Puis effectivement, en fait, pour en revenir donc à ces grands scientifiques, donc on a tendance à attribuer une découverte à un personnage scientifique. Ça, en même temps, ça donne pas tout à fait une image exacte de la démarche scientifique qui est plutôt progressive, en collaboration avec d'autres. Donc là, on ne voit pas la progression des concepts, l'évolution des concepts et comment, finalement, les scientifiques en viennent à développer et à trouver une théorie, pour certains. Et c'est le but d'une bonne histoire des sciences, d'une bonne approche de l'histoire des sciences, de montrer ces connexions, d'illustrer comment tout cela s'est passé. Prenons l'exemple de l'ADN. Qui est finalement la molécule de base qui transmet l'information génétique. Bon, beaucoup de gens pensent que l'ADN, c'est quelque chose de tout récent. On associe souvent le nom de Watson et Crick. Watson, les deux personnes qui ont, dans leurs jeunes années, découvert la structure de l'ADN en double hélice. Mais l'ADN, comme tel, comme molécule, on connaît son existence depuis le 19e siècle. C'est je crois que c'est un médecin allemand qui l'a identifié à partir de chiffons souillés d'un hôpital. Donc, et ensuite, bon, l'information... En plus, on pensait pas que c'était important, là. C'était pas important. Le premier qui a réalisé, ben, il y en a d'autres, mais un que j'aime beaucoup, un personnage et son équipe du Rockefeller Institute, c'est le médecin canadien chercheur Oswald Avery, qui a montré que l'ADN est important parce que c'était là que se logeait l'information génétique transmise d'une génération à l'autre. Donc, de regarder l'histoire des sciences, ça nous aide à comprendre, d'avoir tout le concept d'hérédité, entre guillemets, dont Darwin ignorait l'existence complète, même s'il l'utilisait sans le savoir pour décrire comment pouvait se faire l'évolution par sélection naturelle. Et puis, donc l'histoire des sciences, forcément, a avancé au rythme du développement des instruments scientifiques. Et là, vous êtes bien placé pour savoir à travers votre livre, donc sur la découverte des galaxies, j'imagine. Puis en plus, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'en même temps, c'est les images aussi. Donc la vision qu'on a de ces galaxies à travers ces différents instruments scientifiques et donc toute la compréhension qui arrive au fur et à mesure. Instruments scientifiques, c'est intéressant que vous accrochiez là-dessus dans le bon sens du mot, parce que l'importance des instruments scientifiques s'établit au 17e siècle. C'est le siècle de transformation. On parle du siècle de la révolution scientifique, pas pour rien. Et les instruments n'apparaissent pas tout seuls. Hein. C'est, y a un mélange de... Mm-hmm. On crée l'instrument, entre guillemets, avec les concepts qu'on acquiert. Donc, pourquoi le 17e siècle? D'abord, le télescope, mm-hmm. qui devient un instrument pour explorer le ciel. Dans le même siècle, il y a le microscope, mm-hmm. qui est, entre guillemets, inventé par Leeuwenhoek et d'autres collaborateurs de l'Europe du Nord. Il y a le baromètre de Torricelli, et qui devient un instrument pour étudier le poids de l'air, la nature du vide, mm-hmm. comme tel. Donc, un instrument... J'en avais un autre que j'ai oublié, là. Mais le... la pompe à vide de Robert Boyle, mm-hmm. qui suit un peu les expériences du baromètre, mais qui est beaucoup plus sophistiqué et qui nous instruit sur la nature de l'air et aussi de ce concept que tous les penseurs de l'Antiquité refusaient, l'existence du vide. Sauf les atomistes qui disaient que la nature était faite d'atomes et de vide. Pour Aristote, le vide, c'est un absurde. Ça mm-hmm. ne pouvait pas exister parce que si c'était le vide, les objets se déplaceraient à une vitesse infinie pour le combler. Ah oui. Donc l'instrument en astronomie en particulier, c'est quelque chose qui devient important. D'abord, il sert à aider l'œil à voir des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et ensuite, au 19e siècle, avec l'arrivée de la photographie, même dans ses formes élémentaires, on peut enregistrer ces images. Mm-hmm. Et aussi, plus tard, au 20e siècle, on trouve les moyens pour faire des images en utilisant les ondes électromagnétiques auxquelles notre œil n'est pas sensible. Donc, on va utiliser les ondes radioélectriques. Mmh. On va utiliser les rayons X qu'on a découverts à la fin du 20e siècle pour prendre des images d'objets dans le ciel, que ce soit le soleil, que ce soit des galaxies qui abritent des trous noirs. Mm-hmm. Mais pour ce faire, il faudra attendre l'ère spatiale, pour monter ces instruments au-dessus de l'atmosphère, parce que notre atmosphère bloque les rayons X. Mm-hmm. Donc, tout le rôle de l'instrumentation et ensuite de l'image, comme je le rappelle dans mon livre Unveiling Galaxies, est quelque chose de fascinant à suivre au cours des âges. Et alors, le prochain instrument scientifique pour observer les galaxies, ça va être un télescope à ondes gravitationnelles? Oui, en fait, c'est exactement. Donc, longtemps, on a détecté que les signaux lumineux et d'une certaine façon, les ondes radio, les rayons X sont les seuls. Et ce n'est que récemment qu'on a pu observer des choses qui nous arrivent du cosmos sous une autre forme qui n'est pas de la lumière ou des ondes radio rayons X, les neutrinos. Mm-hmm. Donc, ces particules extrêmement difficiles à détecter qui traversent notre corps à coups de milliards par seconde. On a trouvé un moyen d'observer le ciel. Il n'y en a pas beaucoup, au moyen de cette particule. Et les ondes gravitationnelles, ça n'a rien à voir avec les neutrinos, ça n'a rien à voir avec des ondes électromagnétiques. C'est un nouveau mode pour observer des phénomènes très, très rares qui impliquent des masses de grande dimension qui vont être accélérées ou se fusionner, comme les trous noirs. Mm-hmm. Donc, on va voir quelles sortes d'images ces nouveaux instruments à ondes gravitationnelles vont nous apporter dans X années. Mais pour le moment, on ne peut pas faire d'images avec des télescopes à ondes gravitationnelles. Mais en tout cas, ça donne envie de lire quelques livres sur l'histoire des sciences. Donc, nommez-le, effectivement. Oui, il y en a un que j'aimerais beaucoup recommander parce que c'est un livre formidable, facile à lire pour tous les gens intéressés, qui est un classique de la littérature scientifique et qui est écrit par trois auteurs québécois, Yves Gingras, Peter Keating et Camille Limoges. Le titre, c'est « Du scribe au savant ». Mm-hmm. Il est toujours en vente chez Boréal, donc votre libraire peut vous le fournir aisément. C'est un livre très bien fait qui va de l'Antiquité jusqu'à la Révolution industrielle. Les auteurs parlent de faire de l'ère industrielle jusqu'à aujourd'hui, mais ils sont très occupés. Ah oui. Donc, et pourquoi celui-ci plus que d'autres? Parce qu'il y en a eu d'autres. D'abord, il est très bien fait et il est fait dans professionnellement. L'écriture est élégante, elle est précise, il n'y a pas de flafla, il est bien illustré en même temps, l'image mm-hmm. que j'aime toujours. Donc, en fait, si vous êtes un petit peu féru et curieux, je vous conseillerais d'abord Histoire des sciences de Que sais-je, le dernier, qui est assez condensé. Et si vous voulez un texte plus avec qui coule bien et qui a plus que les 128 pages que vous avez mentionnées, que les Que sais-je doivent avoir, ce livre du scribe au savant est excellent. Et puis, je rappelle aussi que vous êtes vous-même l'auteur donc des héritiers de Prométhée, donc aux presses de l'Université de Laval. Donc, il y a une deuxième réédition. Donc, ça doit souligner qu'il y a un certain intérêt quand même pour ce livre-là. Et pour ceux qui lisent en anglais, Unveiling Galaxies, The Role of Image in Astronomical Discovery, ça, c'est aux presses de l'Université de Cambridge. Voilà. Alors après ce vaste sujet, donc eh bien, évidemment, nous étions en compagnie de l'astrophysicien Jean-René Roy, professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Et après ce vaste sujet de l'histoire des sciences présenté par Jean-René Roy, ben, on va revenir avec un thème beaucoup plus circonscrit et près de chez nous. Alors restez avec nous parce qu'on va parler du réaménagement de l'autoroute Laurentienne.